c'était un catcheur des dimanches. Tous les samedis, il catchait. Et les autres jours, il se cachait dans les bois sous les branches. Et là, avec un dictionnaire, il faisait des vers solitaires. Mais son esprit rugueux ne trouvait rien de mieux que de faire rimer printemps avec j'y rentre dedans ou bien j'y casse les dents. C'était trop percutant et tout honteux. Il disait, c'est affreux, j'ai une fleur bleue contondante, je ne la montre pas à qui veut, elle n'est pourtant pas méchante, ma petite fleur bleue. Mais elle est contondante, mais elle est contondante. Allons, tant pis, allons, tant pis, tant pis. Un jour, un éditeur affable, comme il y en a depuis Ésope, le vit dans un café et hop, s'invita à sa table. Il se commanda une bière, il paraît que ça désaltère. Il prit le manuscrit et le lut sans broncher. Bien sûr, étant assis, il ne pouvait pas broncher, mais il poussait des cris comme si on l'écorchait. Et chaleureux, il lui dit, cher monsieur, tu as une fleur bleue contondante, je vais la montrer à qui veut. Corbleu, est-elle assez méchante, ta petite fleur bleue? Car elle est contondante, car elle est contondante. Allons, tant mieux, allons, tant mieux, tant mieux. Il devint un auteur célèbre, il était de tous les galas. Et les autres jours, ce gars-là cherchait au bout de ses lèvres des petits bouts de chansonnettes. Ça lui donnait mal à la jambe, car il frappait du pied pour battre la mesure. Et ses nouveaux souliers avaient une pointure un peu trop étriquée, qui étriquait son caquet. Et l'éditeur lui dit, ah, quel malheur, ta fleur bleue n'est plus contondante. Je sais, tu fais ce que tu peux, je ne voudrais pas être méchante, mais que veux-tu donc que je fasse de ta fleur pédante qui n'est plus contondante? Allons, tant pis, allons, tant pis, tant pis. Il devint boxeur des dimanches, tous les samedis il boxait, et les autres jours il bossait, comme cowboy dans un ranch, pour se payer les manuels, traitant de la poésie cruelle. Et la fille du libraire qui avait su lui plaire la menace en manière pour clore cette affaire devant monsieur le maire, pas plus tard qu'avant-hier. Et aux surprises, il lui dit entre deux bises, j'aurai une fleur bleue contondante, je vais te la montrer si tu veux. N'aie pas peur, elle n'est pas méchante, ma petite fleur bleue. Mais elle est contondante, mais elle est contondante. Allons, tant mieux, allons, tant mieux, tant mieux.